Bonjour francophones, welcome to French Pod. I'm Erica. Bonjour chers amis, je m'appelle Amaury. We have an intermediate lesson. C'est bien ça. And we're going to go back into the fashion world to Belle Magazine. Voilà, on se retrouve à nouveau dans les locaux du magazine Belle. A place where we've already met the very stressed out editor-in-chief and his timid secretary. Et alors ce qui est formidable, c'est qu'au magazine Belle, il se passe quelque chose tous les jours. Every day. And today is a real doozy. They're going to experience a big problem. With what? Avec des échantillons de parfum. Okay, so what's an échantillon? C'est une petite partie que l'on prélève. Okay. Pour que les gens puissent tester. Something, like a perfume or cream or something. Exactement, oui. It's a sample. Oui, ou dans ce cas-ci... A perfume insert. Voilà. Into the magazine, right? Mm-hmm. So it's just a general sample of a product. Oui. Let's listen to that dialogue and find out what's going to happen with les échantillons. J'ai 2 minutes... Ah, pourquoi ne pas feuilleter le dernier numéro? Pas mal le reportage photo sur Marseille Ritz pour le lancement de son nouveau parfum. Et voilà l'échantillon gratuit. Mais quelle puanteur! Ah, mademoiselle Lefebvre, j'ai besoin de vous pour... Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oui, allô? C'était Marseille Ritz. Elle vient de recevoir le dernier numéro et elle dit que ce n'est pas son parfum dans les échantillons. Elle menace de nous faire un procès. Mais que s'est-il passé? Nous avons un problème, monsieur. L'usine nous a envoyé les mauvais échantillons. C'est un déodorant pour chat au lieu du parfum de Marseille Ritz. Quel désastre! Contactez nos avocats au plus vite. Alors... Quel désastre. Ouais, c'est quand même assez grave, là. Pretty much, yeah. Ouais. Let's find out what happens from the beginning. So we had Mademoiselle Lefebvre, le secrétaire. Voilà. So she said an expression which would kind of mean, yeah, I have some free time here. Voilà, j'ai 2 minutes. So that's a fixed expression, right? Tout à fait. Pour dire qu'on a, on a un petit peu de temps à passer. And you need to find something to do. So elle a 2 minutes. Oui. And what she decided to spend it doing. Donc elle se dit, pourquoi ne pas feuilleter le dernier numéro? What's le dernier numéro? C'est la publication la plus récente du magazine. Okay, the latest edition. Voilà, le dernier numéro. Okay, what's she gonna do with it? Le feuilleter. That means to skim through. Can you say it again? Feuilleter. Alors on peut peut-être commencer juste avec feuille. Feuille. Comme une feuille, simplement. Okay, like a après, leaf. Et ensuite, feuilleter. Feuilleter. Okay, that means like to skim. Ouais. Flip through. What's interesting is she says, pourquoi ne pas feuilleter le dernier numéro? She has the ne there. Ouais. So sometimes you can say, pourquoi pas? But sometimes you say, pourquoi ne pas? So let's show you. Amaury, you want to go to a café? Pourquoi pas? Or? Pourquoi ne pas aller au café? Okay, so when you follow up by something, you have the ne. Ouais. By itself, though, you don't need it. Exactement. Donc, elle feuillette le dernier numéro. Right. What she finds? Et elle trouve le reportage photo sur Marseille Ritz. Marseille Ritz? Ouais. The famous socialite. Get it? Marseille Ritz. Okay, we'll let you figure it out. What's the big news with her now? Elle a lancé un nouveau parfum. So, the reportage photo oui. is sur le lancement of this nouveau parfum. Exactement. What other things can have a lancement? Un nouveau parfum. Nouvelle voiture. An internet site. Oui. Mm, it's the launching. Oui. And with this reportage photo, the great thing that we all love in fashion magazines. What is it? Il y a un échantillon gratuit. Where we can, you know, try out son nouveau parfum. Voilà. But the reason I like les échantillons, oui. because they make the magazine smell really good. This one, though. Il y a un problème avec celui-là. How do we know? Elle dit, mais quelle puanteur! Quelle puanteur! What a disgusting smell! Ouais. Quelle puanteur! La puanteur, c'est quand quelque chose ne sent vraiment pas bon. Yeah, it smells actually vraiment, vraiment pas bon. Stinks. Ouais. Quelle puanteur! And the editor-in-chief, when he goes by, smells it immediately. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? I love that expression, mais qu'est-ce que c'est que cette... What in the heck? Et cette odeur? Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Well, we're gonna find out real quick because the phone rings and it's Marseille Ritz. En personne. We don't hear what she's saying, but she sounds pretty mad. Bien oui, parce qu'elle vient de recevoir le dernier numéro. Elle a découvert que ce n'est pas son parfum qui se trouve dans l'échantillon. So it wasn't supposed to smell like that then. Ouais. So what's she gonna do about it? Elle menace de leur faire un procès. Menacer is to threaten. C'est ça. But you menacer de do something. Et elle, elle les menace de leur faire un procès. Faire un procès is to sue somebody. Voilà. But you do it à somebody. Bien sûr, ouais. Faire un procès à quelqu'un. So that's why they say elle menace de nous faire un procès. Oui. That's bad news. That's something the editor-in-chief never wants to hear. Mais voilà, mais que s'est-il passé? That's the mystery. And then we got someone run in and explain what happened. Et voilà la réponse. Que s'est-il passé, Amory? L'usine... Okay, the factory. ...a fait une erreur et a envoyé les mauvais échantillons. So, les mauvais échantillons are the wrong ones. And so, which ones did they send? Et donc, c'est un déodorant pour chat qui se trouve dans les échantillons. Un déodorant... Oui. It's the same in English, right? Oui, c'est this la même chose. This isn't a special thing non, for non. cats. C'est pas... Normalement, Yeah, you heard right. It's a déodorant... Pour chat. Pour chat. That's just ridiculous. Qui existe, d'ailleurs. Hein, on a no, it does not. Si, ça existe. Are you serious? Mais oui. I thought you just made this up. Non, ça no, existe. No, there's not. Cela existe. I cannot believe you. Where does it go? You put it under the cat's arms? On fera une leçon sur les déodorants pour chat. Yeah, okay. Coming soon, where we explain. When you see your cat, if you say, quel pointeur, you just have to use... Un déodorant pour chat. But it obviously doesn't smell too good. Non, c'est pas... So... Et donc, au lieu du parfum de Marseille Ritz, yeah. C'est un déodorant pour chat. Okay, so au lieu de, in the place of... Voilà. Instead of... Au lieu de. Okay. Et ici, comme il y a un nom, c'est au lieu du parfum. Okay. That's bad. Quel désastre. Quel désastre. Better call our lawyers. Il faut contacter les avocats. And don't waste any time. Au plus vite. Au plus vite. Ouais. Et nous devons réécouter cette leçon au plus vite. J'ai 2 minutes... Pourquoi ne pas feuilleter le dernier numéro? Pas mal le reportage photo sur Marseille Ritz pour le lancement de son nouveau parfum. Et voilà l'échantillon gratuit. Mais quelle puanteur! Ah, mademoiselle Lefebvre, j'ai besoin de vous pour... Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oui, allô? C'était Marseille Ritz. Elle vient de recevoir le dernier numéro et elle dit que ce n'est pas son parfum dans les échantillons. Elle menace de nous faire un procès. Mais que s'est-il passé? Nous avons un problème, monsieur. L'usine nous a envoyé les mauvais échantillons. C'est un déodorant pour chat au lieu du parfum de Marseille Ritz. Quel désastre! Contactez nos avocats au plus vite! I can't believe there's really déodorant pour chat. It's crazy. Ouais. Where do you put it? We're not really going to have a lesson on this. What do you do with it? Are you sure you don't mean it's like the deodorant for the cat litter? Non. Je crois que c'est quand ils ont... Like deodorized cat litter? Quand ils ont de la transpiration. Alors, je ne connais pas tous les détails. Well, j'étais surpris aussi, très surpris. Yeah, I'm pretty surprised. I didn't know cats sweat and they need deodorant. Il y a eu fait un moyen, je suis sûr qu'il y a même des parfums pour chats maintenant qu'il y a des déodorants. Et même dans les magazines pour chats, il doit y avoir des échantillons. Of Marseille. It's going to be a lot of disappointed cats out there when they read Cat World magazine. So, elle a menacé de leur faire un procès. Oui. What do you think is going to happen? You think she's going to do it? Non, je ne crois pas. You don't think? Parce que même si c'est un désastre, yeah. Bon, c'est peut-être pas seulement la faute du magazine ici. Yeah. C'est peut-être la faute de l'usine aussi. Right. L'usine qui produisait le parfum de Marseille Ritz et le déodorant pour chat s'est trompée. No matter what, it sounds like Bell Magazine is going to have to find a way out of this one. Exactement, par contre. Ils vont peut-être essayer de trouver une autre solution que de faire un procès directement, même si c'est grave. Right. Well, if you have any questions about the lesson, or you want to tell us if you've tried deodorant for your cats and how it works, you can come to frenchpod.com and let us know. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois sur FrenchPod. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Salut.